Dossier 1. Livre, page 13. Question A. 1. Demain, apportez des calculatrices. Pourquoi faire ? Pour vérifier vos résultats en mathématiques. 2. Aujourd'hui, on a un cours de musique. Qui peut jouer de la guitare ? Moi, monsieur, je suis guitariste. 3. Léla apporte le globe terrestre de la salle des profs. Chouette ! Notre cours de géographie sera riche. 4. Maintenant, nous allons à la salle d'informatique. Super ! Nous allons travailler sur les nouveaux ordinateurs. 5. Dimanche prochain, apportez vos boîtes de couleurs. Youpi ! On va s'amuser en cours de dessin la semaine prochaine. 6. Madame, y a-t-il un cours de français ? Mais bien sûr !